il s'enlève vis-à-vis des hommes le respect de leur présence. C'est à cause de l'émotivité de l'homme que l'homme ne respecte pas l'homme. Aussitôt qu'un homme entre dans son émotivité et qu'il sort de son mental pur, il perd le respect de l'homme. Mais si un homme demeure dans son mental pur, il ne se laisse pas charrier par son émotivité, il maintient le respect de l'homme, quelle que soit la position qu'il prend vis-à-vis de la responsabilité de son action. Mais nous n'avons pas suffisamment de discernement, nous n'avons pas suffisamment de retenue émotive pour neutraliser l'émotion dans l'action déterminée dans son jugement par le mental pur. De sorte que nous n'avons aucune possibilité dans la vie d'être en autorité de vie, parce que chaque fois que nous faisons un mouvement dans la vie, le mouvement que nous le faisons en vertu d'une émotivité quelconque, au lieu de le faire en vertu de l'intelligence pure de cette action. Et ça, c'est un bien pour un mal, parce que si l'homme n'était pas préparé mentalement et émotivement à subir la pression de la vie contre lui lorsqu'il est en autorité de vie, il craquerait. Pour pouvoir être en autorité de vie, autrement dit, pour pouvoir contrôler les événements de vie en faveur de soi, il faut être capable de supporter le choc en retour qui est créé par l'astralité de la vie. Mais pour ceci, il faut que le corps émotionnel soit changé et que le corps mental soit de plus en plus de discernement. C'est bien beau ça de dire, bon ben, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence dans sa vie, mais il faut supporter la responsabilité de l'action qui vient de cette action. Et ça, les hommes ne sont pas tous prêts encore à le faire parce que les hommes ne sont pas suffisamment cristallisés dans leur mental et dans leur émotionnel. Autrement dit, les hommes n'ont pas suffisamment développé le champ de force autour de leur corps éthérique. Je vous donne un exemple pour expliquer cet aspect subtil. Un matin, vous êtes au bureau, vous êtes en furie et vous vous dites « Ah, je vais aller voir le patron, je vais y sonner ça au gars, je vais y donner ça. » Et vous allez au bureau et le patron est au téléphone quand vous entrez. Déjà, vous avez une déception. Aussitôt que vous avez au bureau, ah, il est au téléphone. Vous n'avez pas le temps de le prendre dans le champ d'énergie parce qu'il est en relation avec une autre personne. Et vous faites tenir au téléphone pendant 2-3 minutes, puis ensuite, il vous dit, tout d'un coup, il est poli, il est de bonne humeur. Il vous désarme. Aussitôt qu'il est poli, il vous désarme. Là, votre colère commence à diminuer et à diminuer et à diminuer et à diminuer. Vous n'êtes pas capable de passer directement de la porte au bureau, maintenir l'énergie, écouter la conversation au téléphone, recevoir un bonjour, monsieur, asseyez-vous et maintenir votre énergie, votre champ de force. Vous l'avez perdu. Autrement dit, il vous a enculé sans savoir. Il dit, comment ça va, mon ami? Oh, ça va pas mal. Vous retournez, vous ressortez par la porte et vous êtes en mouvement contre vous-même parce que vous n'avez pas pu faire ce que vous avez voulu. Et si vous faites ça pendant 2, 3, 4, 5, 6 fois et que chaque fois vous allez dans son bureau, un jour vous sortirez du bureau et vous vous direz, moi, j'ai pas de guts. Et là, l'ego commencera à s'apitoyer sur lui-même et à se culpabiliser et ainsi de suite. C'est comme ça que les gens fonctionnent dans la vie. L'homme n'est pas capable de maintenir la vibration de son mental et la vibration de son corps émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de suffisance éthérique. Il n'y a pas un champ de force. Moi, quand je suis en maudit pour tout le temps que je dois être en maudit. Ensuite, quand j'ai plus besoin, là, j'arrête. En maudit dans le sens que je garde l'énergie à un certain niveau. Parce qu'elle me sert, cette énergie-là. Je ne suis pas en maudit. Il faut que j'apparaisse comme étant en maudit. Si je veux parler au patron. Et tout ceci fait partie de l'autorité de vie. Alors, dans le phénomène de l'autorité de vie, il y a définitivement une question de force, il y a définitivement une question de résistance, il y a définitivement une question de très grande force intérieure. Parce que pour la vivre, cette autorité de vie jusqu'au bout, on doit s'attendre à rencontrer des obstacles, rencontrer des murs, des embûches, et on doit être capable de passer à travers. Si on n'est pas capable de passer à travers, on ne peut pas vivre de l'autorité de vie. On vit simplement des conditions extérieures qui influencent notre comportement émotionnel et mental, et automatiquement, on est assujetti à l'autre. Et on devient malheureux. On ne peut plus être dans l'abondance de la vie, on ne peut plus créer de l'abondance de la vie parce que chaque fois que nous avons une altercation, ou chaque fois que nous sommes en conflit, ou chaque fois que nous sommes en relation avec l'autre, nous sommes un petit peu dépouillés. Et un jour, tu es totalement dépouillé. Et ça, c'est la condition de l'homme. Regardez ce qui se passe dans le phénomène de la cour, dans le phénomène juridique. Alors, les hommes ont énormément de choses à comprendre vis-à-vis leur vibration, vis-à-vis leur état vibratoire, parce que c'est l'état vibratoire de l'homme qui détermine demain son autorité de vie. Ce n'est pas son état psychologique, son état spirituel ou son état philosophique. Ces trois choses-là, ces trois états ne sont pas des états, ce sont simplement des conditions de vie existentielle. Mais l'énergie vibratoire dans l'homme, cette présence indiscernable, non localisable pour le moment, qui fait partie de l'homme, qui fait partie de la conscience extrêmement éthérée de l'homme, c'est le support de son esprit, c'est le support de sa volonté, c'est le support de son énergie astrale, c'est sa condition cosmique, mais temporairement embryonnaire, temporairement encapsulée dans une enveloppe qu'on dit matérielle. Mais elle est là tout de même. Et l'homme, un jour, doit apprendre à s'en servir pendant qu'il est dans la matière. Il y a des gens qui le font ça d'une façon plus ou moins juste. Il y a des gens qui vivent un peu de cette énergie mélangée qui n'est pas parfaitement pure parce qu'il y a trop d'émotions et de mental. Soit les gens riches ou les gens qui ont du pouvoir ou les gens qui ont eu beaucoup d'expérience de vie, et ainsi de suite. On sent déjà chez eux une certaine force. Et vous savez ce qu'on appelle cette force? Du charisme. C'est ça le charisme. Le charisme, c'est un peu un champ de force. C'est un peu un champ de force autour du double. Mais il n'est pas suffisant, ce champ de force, pour neutraliser le pouvoir de l'astral sur la matière. De sorte que même s'il a du charisme, l'homme, il meurt. S'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de charisme, il peut à un certain moment mourir et son corps va demeurer intact pendant un certain temps. C'est ce que nous retrouvons chez les saints, par exemple. Certains personnages qui sont saints, qui ont eu énormément, comme Saint François d'Assise, ces hommes qui ont eu énormément de charisme pendant leur vie, cette énergie a été suffisamment puissante pour maintenir leur corps en état de solidité pendant un certain nombre d'années, souvent. Mais le charisme, ce n'est pas assez parce que le charisme, c'est une énergie qui vient de l'âme, une énergie très, très puissante qui vient de l'âme, autrement dit, une énergie qui est mélangée. À l'intérieur de laquelle il y a de l'astralité et à l'intérieur de laquelle il y a de l'esprit. Et c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de mélange, lorsque cette énergie autour du double est pure, c'est-à-dire qu'elle est faite à la fois d'énergie mentale et d'énergie astrale, mais canalisée selon leur propre vibration, au lieu d'être mélangée dans une sorte de sauce spirituelle, c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à développer sur le plan matériel le pouvoir et le charisme devient transmuté. Et à ce moment-là, l'homme peut avoir un certain charisme parce que l'énergie, elle est là. Mais ce n'est plus un charisme qui fait partie de sa psychologie ou de sa personnalité. C'est un charisme ou c'est une énergie qui fait partie de son énergie qui peut donner à sa personnalité une puissance. Alors, le charisme fait partie de cette énergie autour du double. Et si elle est poussée très loin, cette énergie, par la fusion de l'homme, par le contact entre l'esprit, l'ego et la personne, automatiquement, éventuellement, il y a un champ de force suffisamment fort pour que l'homme, au moment de la mort matérielle, puisse sortir du corps matériel et réaliser que ce corps-là n'est pas décomposable. Ça, c'est l'immortalité. Et le même phénomène de l'autorité de vie existe. Les gens qui ont beaucoup de charisme ont une certaine autorité de vie. Elle est inconsciente. Qu'ils soient saints ou grands politiciens, Cette autorité de vie, elle est là. On la sent. Autrement dit, l'autorité de vie, elle est directement liée au charisme. Et quand on est conscient, l'autorité de vie, elle est liée directement au pouvoir magnétique du corps éthérique, du double. Et elle sert à l'homme, à l'individu. Ce n'est pas une autorité de vie qui sert publiquement l'homme. Mais c'est une autorité de vie qui sert l'homme lui-même. Parce que la différence entre charisme et l'énergie du double éthérique, le champ de force autour du double éthérique de l'homme conscient, c'est que l'homme conscient qui a cette énergie, il s'en sert pour lui-même. Tandis que l'homme public qui a du charisme se sert de sa personnalité pour charmer les masses afin de se donner une puissance sur le plan matériel. Quelle est la différence? L'homme conscient se sert de son charisme, de son énergie pour lui-même, pour contrôler, pour avoir autorité sur la vie. C'est tout ce qui l'intéresse. Il n'est pas intéressé à charmer l'homme, l'humanité. Alors, il faut comprendre les relations psychologiques de la valeur des mots qu'on emploie, comme le charisme, pour expliquer la nature même du double éthérique, afin que lorsque nous nous conscientisons et que nous développons une sorte de charisme, mais un charisme intérieur, et que ce charisme fasse partie de nous, de la présence de l'énergie de l'esprit en nous, pour que nous puissions utiliser cette énergie pour parfaire nos vies sur le plan matériel et créer éventuellement une micro-société. L'homme, un jour, devra créer une micro-société et il la créera avec quoi, cette micro-société? Il la créera avec cette énergie qui est là, qui est à la fois liée au mental et à la fois liée à un astral, à un corps de désir qui est sain. On ne peut pas diviser l'homme en mental, émotionnel et vital. L'homme, c'est une totalité. Mais on peut comprendre que dans l'homme, il y a une faculté mentale, il y a une faculté astrale, il y a une faculté vitale, et que ces trois facultés élevées selon les lois de l'énergie à répondre pour l'homme des lois de l'esprit, à ce moment-là, l'homme peut bénéficier du mental, de l'astral, du vital, et vivre sur le plan matériel une vie qui coïncide avec la nature de son esprit jusqu'au jour où il est capable de sortir de son corps matériel pour bénéficier du pouvoir de son esprit, c'est-à-dire de la relation entre son mental, son émotionnel et son vital et l'énergie de l'ajusteur de pensée. Parce que l'homme un jour travaillera avec cette énergie, il sera en fusion avec cette énergie, il utilisera cette énergie. Mais en attendant, il faut qu'il apprenne à la transmuter, il faut qu'il apprenne à la comprendre, il faut qu'il apprenne à pouvoir la subir pendant qu'il est électrifié pendant un certain nombre d'années. Quand je regarde les gens, je vois deux choses. Je vois d'abord des gens qui ne se voient pas, et ensuite je vois des gens qui commencent à se voir. Les gens qui ne se voient pas sont des gens qui n'ont pas encore suffisamment été pénétrés par l'énergie. Et les gens qui commencent à se voir sont les gens qui ont commencé à être pénétrés par l'énergie. Et ces gens-là sont plus près de la compréhension de ce que je dis que les autres. Parce qu'ils ne regardent plus ce que je dis avec les yeux de l'intellect, mais ils regardent ce que je dis avec les yeux de l'esprit, de sorte qu'ils répondent à ce que je dis vibratoirement au lieu de répondre symboliquement ou psychologiquement. Et on ne peut rien faire pour classer les deux. Les uns sont d'une sorte, les autres d'une autre, et certains seront d'une sorte pour une grande période, pendant que les autres seront d'une sorte et continueront à améliorer leur situation jusqu'au jour où ils seront très, très capables de comprendre toutes les facettes de leur propre personnalité. Mais comme la parole, elle est donnée à tout le monde a accès à son forum, et c'est pourquoi nous invitons tous les gens à écouter. Mais le principe demeure toujours qu'il y a des choses qui sont dites dans les rencontres qui ne peuvent être comprises, réalisées que par de l'intelligence pure, c'est-à-dire par la vibration de l'homme dans son esprit en rapport avec un autre esprit. Moi, je sais que quand je parle de l'autorité de vie, c'est extrêmement important. Je sais ce que ça implique, l'autorité de vie. Je peux même dire que l'autorité de vie dans la vie de l'homme, L'autorité de vie dans la vie de 2 heures. L'autorité de vie dans la vie de 50, 60, 2000, 10 000, 100 000 hommes, c'est une micro-société, c'est une nouvelle civilisation. Je le sais. Parce que ça fait partie des lois du pouvoir de l'esprit sur la matière, sur le plan matériel. Mais je ne peux pas accélérer la compréhension de l'homme vis-à-vis ce que je dis. Mais je sais que c'est très important. Mais je parle de ceci pour que ceux qui peuvent un peu le comprendre peuvent un peu en saisir l'allure afin de pouvoir reconnaître dans leur propre vie certaines stations, certains aspects, certaines expériences qui coïncident avec ce que je dis. Et au moins commencer à sentir l'abstrait de la connaissance occulte de la conscience supramentale. Quand on sait, ou quand on comprend, ou quand on réalise que quelqu'un, ou qu'on est sur une voie, ou qu'on est dans une expérience qui est parallèle à celle qui est parlée par une autre personne, on se sent un peu plus en confiance avec soi-même. On se dit, au moins, je ne suis pas calé. Je m'en vais quelque part. Et quand on n'est pas capable de sentir cette relation vibratoirement avec une personne qui parle à ce moment-là, mais on doit attendre de pouvoir le faire. Mais l'autorité de vie, c'est très important. Mais naturellement, je vous parle toujours pour demain. On me dit souvent que l'homme est un être qui a été animalisé et rendu intelligent à cause du développement symbolique de son intelligence. Et que cette intelligence n'appartient pas à la lumière, mais qu'elle appartient aux ténèbres. Ce qu'on appelle les ténèbres, autrement dit, ce qu'on appelle la relation entre cet homme et les sphères où l'intelligence pure n'existe pas. De sorte que l'homme, aujourd'hui, quelle que soit sa condition, quel que soit son niveau d'évolution, philosophique ou psychologique, n'est jamais sûr d'être lui-même. C'est pour ça qu'il se recherche. Et tant qu'un homme n'a pas cette certitude viscérale d'être lui-même, de n'être autre chose que ce qu'il est, il ne peut pas avoir autorité de vie. Parce que la vie lui enlèvera par toutes sortes de subterfuges le pouvoir de se concrétiser dans son esprit et d'avoir l'impression nette et absolue qu'il est lui-même. C'est ça l'influence. C'est pour ça que les hommes vont dans la vie un peu comme dans les nus, ils se cherchent, ils n'ont pas d'identité. C'est ça de ne pas avoir d'identité. Un homme qui a une identité ne se cherche plus, il est dans son quoi? Il est dans son être-té, il est dans son esprit. L'homme doit être dans son esprit. Un homme doit toujours être dans son esprit. Des fois, je dis à des gens, qu'est-ce que tu fais? Et ils me répondent, je parle avec mon esprit. Ils sont dans son esprit. Il y a des gens qui sont toujours dans leur esprit. Et l'homme doit un jour en arriver à être toujours dans son esprit. Et c'est ça le signe de son identité. S'il n'est pas dans son esprit, il est dans son intelligence. Et s'il est dans son intelligence, il n'a aucune identité. Il vit de sa personnalité. Et sa personnalité, déjà, elle est fracassée, elle est divisée, elle est meurtrie, elle est assujettie à toute forme de symbolisme rendu par sa pensée subjective et maintenu en force par son émotivité. C'est pourquoi l'homme est un zombie. L'homme est un mort-vivant. Et ce n'est que lorsque l'homme entre dans et commence à comprendre l'autorité de vie qu'il commence à réaliser qu'il sort de cet état, de cette condition d'être un mort-vivant. Et laissez-moi vous dire que je sais qu'est-ce que c'est être un mort-vivant. Moi aussi, je l'ai vécu, cette condition. Je le sais. Je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais je le sais. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu avant la fusion d'être un mort-vivant. D'être assujetti à des pensées de toutes sortes qui flottaient dans mon esprit, qui n'avaient ni queue ni tête, que je ne pouvais pas parfaitement contrôler parce que je n'avais pas le pouvoir télépathique que donne le contact entre l'ego et l'esprit. L'homme devrait avoir une ligne de pensée créative qui devient de la communication parce qu'il s'est habitué petit à petit en tant qu'ego à communiquer avec de l'intelligence, à ce moment-là, il développe de l'identité. Et c'est ceci qui, éventuellement, crée l'électrification du corps, qui allie le mental à l'émotionnel au vital et qui crée le champ de force pour que l'homme, un jour, soit capable de se manifester sur le plan matériel en tant qu'être possédant l'autorité de vie. Vous savez pourquoi j'aime parler? Je n'aime pas parler pour simplement parler. J'aime parler parce que je découvre que la parole, elle est exacte et elle est continue et qu'elle est infinie. C'est pour ça que j'aime parler. Ça fait déjà partie de l'autorité de vie de parler. Parce qu'un homme qui est en autorité de vie, qu'il parle, découvre de plus en plus le pouvoir de la parole. Et en découvrant le pouvoir de la parole, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre le pouvoir de l'esprit dans la vie qui lui donne l'autorité de vie, parce que c'est l'esprit qui donne à l'ego l'autorité de vie. Et lorsqu'un homme est suffisamment avancé dans la science de la parole, il est capable de découvrir de plus en plus tous les aspects énormes, les myriades d'aspects qui confrontent sa petite humanité matérielle avec une très grande humanité collective matérielle, lui infusant suffisamment d'intelligence et de volonté pour ne pas être écrasé par cette collectivité. C'est ça la micro-société. Il y a des gens qui s'imaginent des fois que je parle de micro-société dans le sens que l'homme doit vivre d'une façon marginale. Il ne s'agit pas pour l'homme de vivre d'une façon marginale. Moi, je n'ai aucune intention de vivre sur le plan matériel d'une façon marginale. Dans les terres, c'est normal. Mais sur le plan matériel, je n'ai aucune intention de vivre d'une façon marginale. J'aime très bien des poêles faites par General Electric et des avions bien construits. Alors, vivre d'une façon marginale, c'est totalement de la spiritualité, c'est une forme de retour au naturisme. Ça fait partie des Indiens et des épées. L'homme doit s'approprier ce qui est bon, ce qui a été créé par l'homme et qui est bon pour lui. Il s'approprie ceci et éventuellement il crée autre chose qui sont plus avancées. Mais il s'approprie ce qui est déjà bon. Et déjà, la société de l'homme a créé de bonnes choses pour lui. Alors, pourquoi? Vivrait-il en marge de la société? Ce n'est pas qu'il doit vivre en marge de la société. Il doit vivre en autorité de vie à l'intérieur de la société. C'est ça l'intelligence constructive de l'homme de la cinquième race qui va vers la sixième et qui éventuellement passera du plan matériel à l'éther. C'est très facile pour nous de nous désillusionner, de chercher les hauts sommets himalayens pour nous retirer d'un monde qui est un peu bruiteux. Mais nous avons besoin du monde bruiteux pour nous donner conscience de l'inconscience et parfaire notre propre conscience en développant une résistance à ce bruit. Et c'est alors à ce moment-là que nous avons les corps mental, émotionnel et vital capables de supporter l'énorme énergie de la présence de l'esprit et nous donner éventuellement le pouvoir de vie tant que nous sommes sur le plan matériel. Et le pouvoir sur la vie et sur la nature lorsque nous aurons accès à la terre. La condition infrastructurelle de toute humanité qui se conscientise aujourd'hui est celle-ci. C'est que tous les hommes doivent apprendre à ne pas pouvoir se décourager. C'est la condition infrastructurelle. Parce qu'aussitôt qu'un homme se décourage, déjà, il appartient à l'astral. Et aussitôt qu'un homme commence à ne plus pouvoir se décourager, il commence à appartenir au mental. Et regardez les hommes qui ont construit de grandes choses. Ils ont vécu toutes sortes d'obstacles, mais ils ont vaincu. C'est la même chose pour l'homme conscient. Et votre œil sera toujours la mesure de votre capacité de vous décourager ou de ne pas vous décourager. Vous regardez une personne dans l'œil et vous savez si elle est forte ou faible. Et si elle est trop faible, vous voudrez éventuellement vous retirer parce qu'il n'y a rien à faire avec des gens faibles. Parce que les gens faibles n'ont pas suffisamment d'intelligence, ils ont trop d'émotions et automatiquement n'ont pas de charisme. Et c'est le charisme, la force magnétique du corps double, qui permettra un jour à l'homme de créer une civilisation qui sera au-dessus de toutes les civilisations qu'aura créées l'humanité. Autant aujourd'hui vous pouvez accepter les gens faibles par sympathie vibratoire, par sympathie humaine ou par notion humanitariste, autant demain vous vous retirerez de ceux qui sont faibles parce que vous ne pourrez pas subir leur regard à l'intérieur duquel il n'y aura aucune lumière. Il n'y a pas de sympathie dans la conscience. La sympathie, c'est une forme spirituelle qui permet aux forces astrales de contrôler l'humanité et de dominer l'homme pour le bénéfice de ses forces et pour l'agencement sur le plan matériel de civilisations qui sont totalement décadentes éventuellement. Nietzsche avait raison. Mais il ne savait pas jusqu'à quel point il avait raison. Les Hitlériens se sont servis de sa philosophie pour développer une philosophie politique nationale. Mais sur le plan humain, le philosophe avait raison. Il avait une très grande intuition du pouvoir de la forme sociale, religieuse, chrétienne, judéo-chrétienne contre l'homme. C'est pour ça qu'il a été revendiqué par la théologie et qu'il a été marqué dans l'histoire comme étant le philosophe antéchrist. On va manger. Quand on se conscientise, on fait face à un dilemme. Un dilemme qui est nécessaire, mais qu'on comprend éventuellement. D'abord, quand on se conscientise, il faut qu'on soit indiqué l'importance de suivre nos vibrations. À cause de notre inconscience, on est obligé d'être rendu conscient de forces internes qui sont intelligentes et qui sont directionnelles. Et il faut qu'on soit indiqué de suivre nos vibrations. Mais éventuellement, dans la vie, quand on arrive à un point où on doit prendre conscience de l'importance de l'autorité de vie, il faut qu'on prenne aussi conscience de l'importance de ne pas toujours suivre nos vibrations. Il faut être indiqué, c'est ça le dilemme, il faut être indiqué d'abord l'importance de suivre nos vibrations pour nous sortir de l'inconscience humaine et nous sortir de cette carapace qui nous empêche de d'être présent à notre sensibilité. Mais aussitôt qu'on entre dans l'autorité de vie, qu'on entre dans notre intelligence et qu'on a pris conscience du pouvoir des forces en nous qui nous activent, il faut à partir de ce moment-là commencer à réaliser qu'il ne faut pas suivre toutes nos vibrations. Parce que les vibrations qu'on reçoit ne sont pas toutes bonnes. Dans ce sens qu'elles ne sont pas toutes. Dans ce sens qu'elle ne fait pas toute partie de notre bien-être. Il y a des vibrations qui font partie de notre bien-être, il y a des vibrations qui sont simplement là pour tenter l'homme. Et le phénomène de tentation, c'est un mot que je déteste, ça, le phénomène de tentation, parce qu'on se pensera au temps de saint Thomas d'Aquin, mais le phénomène de tentation, je veux l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire tenter? Tenter, ça veut dire rendre l'ego conscient de quelque chose et attendre pour voir s'il va se faire prendre dedans, dans le jeu de ce quelque chose. Et un homme qui est moindrement initié au mystère de la vie, vit la tentation. Les grands saints ont vécu des tentations, les grands initiés nazaréens ont vécu une tentation dans le désert pendant longtemps. Et tous les hommes qui sont initiés à un niveau ou à un autre sont amenés à vivre des tentations. Pourquoi? Pour raffiner absolument leur discernement. Un homme ne peut pas raffiner son discernement, ne peut pas développer le discernement s'il n'est pas tenté. Et comment l'homme est tenté? Il est tenté de cinq façons. D'abord, il est tenté au niveau de son corps de désir. Ensuite, il est tenté en fonction du temps de son corps de désir. Ensuite, il est tenté en fonction de l'impression mentale qu'il a d'une action qu'il veut vivre en fonction de son corps de désir. Autrement dit, il est tenté en fonction d'une pensée. Ensuite, il est tenté vibratoirement, dans ce sens qu'une énergie va se faire sentir en lui Et cinquièmement, il est tenté de l'extérieur. Alors, l'homme a cinq possibilités de tentation qui, au niveau de son discernement, il peut comprendre instantanément. Et la seule façon pour lui de ne pas succomber à la tentation, c'est d'être extrêmement averti. Autrement dit, d'avoir suffisamment souffert. Autrement dit, d'avoir été suffisamment joué dans les cheveux pour réaliser qu'il doit faire attention chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il prend une décision quelconque. Quand on se conscientise, on a tendance à être spirituel au début. Alors, automatiquement, on a tendance à suivre nos vibrations et automatiquement, on se fait jouer des tours. Quand on perd notre spiritualité, qu'on devient plus intelligent, qu'on devient plus volontaire, qu'on a souffert faire un petit peu plus, on commence à faire attention et on commence à ne pas suivre autant nos vibrations. C'est-à-dire qu'on commence à faire le discernement dans nos vibrations. C'est-à-dire qu'on commence à percevoir avec grande précision si on devrait ou si on ne devrait pas faire telle action. Et il y a un mécanisme qui est universel chez l'homme. Remarquerez que lorsque vous pouvez communiquer avec l'intelligence et recevoir une réponse, automatiquement, c'est dangereux. Lorsque vous ne pouvez pas communiquer avec l'intelligence et pas recevoir de réponse, c'est très probable qu'éventuellement, l'action se dirige dans telle direction. Pourquoi? Parce que l'homme doit être capable éventuellement de prendre des décisions sans avoir besoin de confirmation intérieure. Autrement dit, il devrait être suffisamment dans son intelligence pour prendre des décisions au niveau de sa conscience sans être obligé d'aller intérieurement pour checker si c'est correct. Aussitôt que l'homme est obligé de checker si c'est correct, il faut qu'il fasse attention. Parce que peut-être que c'est correct pour eux autres, mais peut-être que c'est pas correct pour lui. C'est correct pour les autres dans le sens que ça va créer une situation où lui va en souffrir pour comprendre que plus tard, ça doit être correct pour lui avant que ce soit correct pour les autres. Au lieu de l'envers. Autrement dit, ça revient au fameux principe du cercle. On s'aperçoit d'une chose quand on se conscientise, que notre vie, elle revient à un point de départ, à tous les niveaux de son expérience. Elle revient au point de départ où elle était au début de la conscientisation. Alors, avant la conscientisation, quand l'homme prenait des décisions, il les prenait de lui-même, il regardait l'éventail de ses possibilités, il faisait un bon choix, ainsi de suite. Quand il se conscientise, il perd éventuellement la faculté de penser, mais il lui demeure la faculté de sentir par vibration si la décision est en sa faveur ou non. Autrement dit, il revient au point de départ avec la seule différence qu'il n'a plus besoin de penser pour savoir si c'est une bonne décision. Il sait. Mais pour qu'il sache parfaitement, autrement dit, pour pas qu'il fasse d'erreur, pour pas qu'il diminue sa vie, il faut que sa décision ne soit pas soufflée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que sa décision fasse partie des catégories que je donne tout à l'heure. Il faut que sa décision vienne de lui, qu'elle soit totalement centrée sur son bien-être. C'est subtil le bien-être de l'homme, parce que l'homme a tendance à l'homme a tendance à engendrer du désir, à engendrer en lui du désir, c'est-à-dire qu'il a tendance à développer des possibilités. Je vous donne un exemple. Vous avez un char. Puis Jean-Paul, il vient, il t'appelle, puis il dit, écoute, Pierre, il dit, j'ai un char à te vendre. Tout un char qui fonctionne bien, il ne coûte pas cher. Mais là, il t'appelle, Jean-Paul, puis il dit, j'ai un char à te vendre 300 $, 400 $. Le fait que vous avez tendance à avoir quelque chose quasiment pour rien, vous avez un bon deal. Votre vibration, si vous la suivez, elle va être assez forte Parce qu'elle est encore astrale. Elle va être assez forte pour vous dire, ouais, ça met du bon sens. Qu'est-ce que tu penses, Marie? J'en ai pas de m'appeler, il y a un char de 300$ que j'en ai. Là, votre astralité va rentrer en jeu. Vous allez voir que c'est un bon deal, ça coûte pas cher, etc. Vous allez l'acheter, le char. Mais vous savez pas que dans 3 semaines, il va tomber en panne, il va vous coûter 700$, le char. Alors, à ce moment-là, vous autres, vous devez être capable de vous arrêter complètement dans la décision, dans l'action. Et de vous concentrer simplement sur votre char, sur votre acquis. T'as un char, là. Il est bien ton char. Il roule bien. T'es bien. T'as pas de problème avec. Il faut que vous soyez suffisamment mental pour arrêter là. Si vous allez un petit peu plus loin, vous allez avoir un autre char. Vous allez avoir un bon deal. Mais demain, beaucoup de gens. Puis c'est de même que ça arrive dans le. Faites bien attention aux faveurs. Ça n'existe pas des faveurs dans la vie. Rappelez-vous bien ce que vous dites. Surtout quand vous allez vous concerter. Des faveurs dans la vie, ça n'existe pas. Moi, j'en ai deux grosses faveurs dans le nord. Laisse-moi dire, Charlie, j'y regarde de loin en enfantin. J'y regarde de loin. Ils sont grosses, les faveurs. Puis ils viennent vers moi, puis ils viennent, puis ils viennent, puis ils viennent, puis ils me poussent dans le dos. J'ai dit à ma femme, elle ne va pas me laisser pousser dans le dos par ça. Si les faveurs, si j'y prends ces faveurs-là, je vais être bien sûr de mon coup. Je ne suis pas pressé. J'attends. Puis j'ai dit à eux autres, qu'est-ce que c'est cette affaire à faveur là? Qu'est-ce que c'est ce deal-là? Pourquoi est-ce que tu m'écœures avec ce deal-là? Là, ils disent, occupe-toi-en pas. C'est pas important tout de suite. C'est pas le temps. Fait que c'est facile pour moi de couper. Mais vous autres, vous n'avez pas encore accès suffisamment à votre mental pour aller chercher de l'information suffisamment absolue pour que vous, au niveau de votre ego, puissiez vous fier absolument dessus. C'est ça que je vous dis, il faut que vous fassiez attention dans votre vie et ne pas vivre votre vie trop selon vos vibrations. Parce que vos vibrations sont encore suffisamment astrales, il y a encore assez d'astralité dedans, que si vous passez un steak en dessous du nez, vous allez voir le manger. Parce que tant que l'homme n'est pas suffisamment conscient, il crève toujours de faim. Autrement dit, il a toujours soif. Il a toujours faim. Il y a toujours une partie de lui qui veut quelque chose, qui veut mettre la main sur quelque chose. C'est là qu'on se l'apprend. Alors avant, je disais suivez vos vibrations. Là, je vous dis ça. C'est bien important. Mais là, je vous dis, pas toutes vos vibrations sont bonnes. Il y a qu'une façon pour vous autres de mesurer la valeur de vos vibrations, c'est votre intelligence à vous autres. Votre intelligence le plus pure que vous avez, la moins astrale que vous avez. Autrement dit, cette intelligence qui est à la base de votre sécurité de vie matérielle. Et si vous prenez comme mesure cette base de sécurité matérielle, à ce moment, votre sécurité personnelle, matérielle, personnelle, psychologique, whatever, à ce moment-là, vous verrez que vous avez fait une bonne décision en ne prenant pas cette vibration dans votre vie, en ne créant pas une action selon cette vibration qui vous pousse fort dans le dos. L'homme ne doit pas se laisser pousser dans le dos par l'énergie. L'homme ne doit pas se laisser pousser dans le dos par l'énergie. Si vous vous laissez pousser dans le dos par l'énergie, elle va vous pousser dans le dos, puis automatiquement, vous allez, à un certain point dans votre expérience, en souffrir. Alors, on passe à une autre étape. On passe de l'étape de suivre nos vibrations. Se sensibiliser, s'électrifier, devenir conscient, ainsi de suite, péter le nez sur le mur, à l'étape de poursuivre toutes nos vibrations. Et les vibrations qui sont les meilleures pour nous autres sont toujours celles qui nous permettent de nous sécuriser matériellement, humainement. J'aime apprendre de chance. Parce que c'est là qu'on perd notre autorité de vie. C'est facile pour eux autres de nous embarquer. Les gens qui ont de l'argent, là, qui ont moins vraiment de l'argent en banque, là, puis qui se conscientisent, puis qui ils voient des possibilités de faire ci, ils voient des possibilités de faire ça, c'est facile. Ils peuvent vous faire perdre 40, 50 000 piastres demain. Les gens qui n'ont pas d'argent, voilà. Mais ceux qui ont de l'argent, qui veulent faire des affaires, blablabla, prenez bien votre temps. C'est des chiens. Vous ne réalisez pas jusqu'à quel point c'est important de prendre son temps dans toute décision humaine quand on est conscient. C'est encore bien pire que quand on est inconscient. Quand tu es inconscient, tu ne souffres pas ce que tu n'apportes. Tu dis, ah, oh, j'ai fait une gaffe. Quand tu es conscient, tu ne peux pas dire, j'ai fait une gaffe. Tu es obligé de dire, les enfants de chienne. Là, tu deviens fâché. Tu es en maudit. C'est comme ça qu'ils nous tournent. Tu as fait une gaffe quand tu es inconscient. C'est toi qui as fait l'erreur quand tu es inconscient. Mais quand tu es conscient, c'est plus toi qui as fait l'erreur. Parce que si vous faites des graphes qui sont trop monumentales, vous allez monter les murs, vous êtes en maudit. Vous allez déployer de l'énergie qui va être raide dans votre entourage. Puis elle ne se contrôle pas de même, cette énergie-là. Puis dans les mois qui s'en viennent, puis dans les années qui s'en viennent, je vous le dis, prenez votre temps. Rappelez-vous bien ce que je vous dis. Prenez-les votre temps. Parce qu'ils vont en avoir. Ils vont nous en mettre du pain sur la planche, Charlie. Moi, j'ai assez de pain sur la planche, on dirait que c'est une boulangerie chez nous. J'ai où venir? J'ai où venir? Ils m'en mettent dans la tête. Les ci, puis les ça, puis les ci, puis les ça. Puis la micro-société, puis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 2 ans. Là, je suis rendu dans un cadre de computer, déjà. Je n'ai même pas grillé un crisse de doigt, je suis rendu avec des cadres de computer. Imagine-toi. Bon, vite, nous autres. Computer. Descendre d'un carré. Bah, ils sont au bout. Au bout. C'est bon qu'ils soient au bout. Pour que nous autres, on vive au bout. Mais il faut que nous autres, on soit au bout du bout. Parce que si on est au bas du bout du bout, là, on est fini. Ça veut dire. Ils sont triqués. C'est pour ça. Tu sais, c'est subtil. On parle d'intelligence cosmique, tout ça. L'intelligence cosmique, t'en bénéficies ou ça te détruit? Un des deux. T'as pas de choix. Y a pas de milieu avec eux autres. Soit qu'ils te détruisent complètement, dans le sens qu'ils te font, ils font souffrir pendant un bon bout de temps pour t'apprendre, ou que t'es réellement, que t'es capable réellement de la contrôler, cette énergie-là, de travailler avec, la voir. Voir. Puis là, à ce moment-là, tu t'en sers. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Vos jobs, puis tout ça, là. Faites attention à vos jobs. Perdez pas vos jobs. Tenez-les vos jobs le plus longtemps possible. Vos jobs. Il va venir assez vite le temps que vous voudrez plus vos jobs. Ben, en attendant, tenez-les vos jobs, parce que vous allez voir que dans le climat aujourd'hui, c'est pas facile de se trouver un job. Il y en a qui pensent là, que oh, on va commencer à fonctionner en micro-société, on va avoir des jobs. Ça se fera pas d'un jour à l'autre.